Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vona Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, le salariat n'est pas mort, il bouge encore. Une série documentaire de Rémi Douat et Martine Abbat, réalisée par Assia Ralid. Au départ de cette série, il y a comme un doute, la sensation désagréable qu'on veut nous faire croire quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait vrai. Alors forcément, il y a l'envie d'aller voir de plus près pour se faire une idée, voir comment on travaille, pour combien, en étant à l'abri de quoi, voir aussi si cette liberté qu'on nous vend n'est pas une forme de dépendance. Bref, garder un œil sur le loup qui se cache en embuscade, se dire que si ça se trouve, le salariat ne va pas si mal que ça et qu'on nous tend peut-être trop souvent des miroirs aux alouettes. Alors pour commencer, les personnages. De jeunes travailleurs qui ne sont pas dupes, des salariés sans couverture sociale, un ancien inspecteur du travail encore combatif, une comédienne qui est aussi une militante, un directeur de la communication un peu cynique, un juriste qui n'en revient pas et une députée qui ne jure que par le futur. Ensuite, le décor. Une manifestation à la porte-maillot, des cravates qui donnent une contenance, une société qui n'a rien à proposer à ces jeunes, des coups de klaxon comme des coups de semonce, du salariat déguisé, une campagne de recrutement en banlieue et la modernité pour tout justifier. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Paris et les VTC sont sortis. Le salariat, c'est 93% de la population active aujourd'hui. La bataille entre indépendants et salariés, elle sera gagnée par le salariat. Demain, vous aurez plusieurs patrons successifs, mais même plusieurs patrons en même temps et plusieurs façons de travailler en même temps. Vous serez le matin salarié, l'après-midi, vous aurez votre boîte en auto-entrepreneur, en entreprise unipersonnelle, vous ferez de la prestation, vous travaillerez de plusieurs façons en même temps. Si tout le monde devient auto-entrepreneur, il va y avoir de moins en moins de cotisations pour le bien public et donc on met la société en danger. L'auto-entrepreneuriat a été une chose merveilleuse parce qu'elle a libéré et généralisé un peu cet esprit d'entreprise en France qui faisait défaut un peu dans les têtes. Le pourquoi pas moi, ça a été très important. Le volet plus négatif, c'est que des gens ont à la fois une forme de travail où ils sont privés de la protection légale qu'offre le salariat et ils ont des revenus très, très précaires. Pour qu'une entreprise de qualité fonctionne, il faut qu'elle ait des salariés bien formés, bien traités et bien payés. C'est ceux-là qui produisent le plus, c'est pas les flexibles. Le combat du MEDEF, c'est justement de faire que l'économie soit humaine. Mais une économie humaine, c'est une économie en adaptation permanente dans un monde qui bouge. Allez, Astin, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, ce sont des quartiers où nous, on sait rien leur offrir. Rien. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore. La fin du salariat, décryptage d'un mythe. Martine Abbat, Rémi Douat, Assia Ralid. Mais venez voir concrètement, discuter avec des chauffeurs et voir pour eux si cette ubérisation qui leur permet de bosser, de donner confiance en eux et d'aller voir leurs parents en disant j'ai un vrai boulot, c'est synonyme de précarité ou de liberté. Il y a sûrement des problèmes avec des chauffeurs, certainement, mais non. La majorité des chauffeurs sont contents de travailler avec nous et la preuve, ils n'ont pas d'obligation. Rien ne les oblige. Au même moment, ils peuvent être sur chauffeur privé, Snapcar, Le Cab. À nous de les convaincre de bosser avec nous. Ils sont totalement libres de travailler ou pas. Vas-y. On va pas venir, j'ai vu 4 voitures chargées. Qu'est-ce que vous faites là? Bloquez leur mère, sors-le. Nique-lui sa mère, nique-lui sa voiture. Il bouge pas. Pendant quoi tu travailles pas, lui, il se gave. Comment ça se fait qu'il se gave? C'est toi les gars, je suis là, je te regarde droit dans les yeux, moi j'ai arrêté ce taf de chien. Ça te va et je suis là. Vous voulez quoi de plus? J'ai rien à gagner. Et tu combats pour qui maintenant? Je combats pour tout le monde, bro. Pour nous, moi, il est là, frère. Je vais te dire un truc. Moi j'ai des principes, ma gueule, dans la vie. J'en ai rien à foutre de l'argent. Vous voulez quoi de plus? Ils t'envoient un contrat, ils te disent c'est soit tu signes, soit tu dégages. Mais monsieur, j'ai investi 15 000 euros, 20 000 euros dans une voiture. On en a rien à foutre. C'est du salariat déguisé, tu veux quoi? Il y a trop d'excuses. T'as même un fils de pute de ministre, Macron, il te dit quoi? Parce que nous, on est des chiens dans les cités. Il te dit, je préfère mieux que lui, il sorte de sa cité, il travaille. C'est même pas un travail, c'est un travail précaire. T'ouvres ta boîte, dans 6 mois, tu la fermes. Pourquoi? Encore une histoire d'élection. Tu veux quoi de plus? Personne nous marche dessus dans nos quartiers. Et un mec, il arrive, Uber, je t'ai dit, voilà qu'il a raison. Vous voulez quoi? tu payes la TVA, les charges, l'expert comptable, tu gagnes quoi? 4 euros, tu veux quoi? Faut arrêter, les gars. Ce jeune, s'il n'était pas en train de conduire cette voiture, il serait au RSA. Et ben moi, je préfère ce jeune dans cette voiture qu'au RSA, je l'assume. Michel. Mustapha. Nassim. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cette manifestation de chauffeurs VTC? Parce qu'on en a ras-le-bol, on travaille 7 jours sur 7, minimum 12 heures par jour, pour qu'à la fin du mois, on n'a même pas 50 euros pour vivre. On travaille pour payer tous nos crédits, tous nos frais et tout. Et on est obligé, pour pouvoir se, entre guillemets, dégager un petit salaire, de ne pas tout déclarer. Et on est exploité H24. Rien du tout. Parce que 280 heures pour toucher 997 euros, c'est en dessous du SMIC. J'ai eu un client récemment qui me dit, mais vous savez que votre course, je la paye moins cher qu'un cocktail à Saint-Michel ou dans Paris. Vous vous rendez compte, 4 euros avec des BMW, on a des Mercedes, on a des Jaguars, on a des Renault Talisman, des derniers véhicules, d'un écrit, des classes E, tout pour 4 euros. Aujourd'hui, les chauffeurs tournent en moyenne à 20 euros l'heure en TTC. Il faut déduire le gasoil. La voiture, il faut l'amortir. Qu'est-ce qu'on va déclarer? Qu'est-ce qu'on va se verser? En réalité, les chauffeurs se retrouvent à se verser 3 euros l'heure. C'est vous pire. Imaginez, 3 euros l'heure, il faut faire combien d'heures pour pouvoir se verser un salaire convenable? On craque. On a cru dans cette profession. C'est un beau métier. On est là pour le défendre, parce que c'est un métier avec lequel on pourrait vivre. On se disait qu'on pourrait vivre, mais aujourd'hui, la réalité, elle est différente de ce qu'on nous a fait vendre. Alors, j'ai pris un crédit pour ma voiture, mais aujourd'hui, déjà, si j'arrive à payer ma location, payer le gasoil, l'assurance, etc., il me reste plus rien. Si ça continue comme ça, je vais arrêter et chercher ailleurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est endetté pour acheter des véhicules. 50 000 euros. Mais comment on va rembourser? C'est quoi comme voiture? C'est une berline, quand même, qui coûte 40 000 euros, Volkswagen. J'ai pris un crédit sur 4 ans, je rembourse 700 euros par mois. En ajoutant cela, une assurance à 300 euros par mois. Rajouter le gasoil qu'on consomme par mois, un chauffeur moyen, il tourne à 400 balles. Donc ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est que la commission d'Uber diminue, que les tarifs augmentent. C'est-à-dire que les tarifs soient augmentés, que les commissions des plateformes baissent. Parce que vous imaginez aujourd'hui, Uber prend 25% de commission. Vous imaginez un quart de course, c'est juste pour les plateformes. En dehors de ça, il faut bien qu'on mange le midi, il faut bien qu'on mange le soir. Les clients, ils ont été habitués comme des rois, des princes, des bonbons, de l'eau, les chargeurs. Il faut savoir que c'est pas Uber qui fournit, c'est les chauffeurs. Sans compter les réparations. Sans compter les réparations. À force de travailler 12 heures par jour, on fait des accidents, on perd du chiffre. Ça vous est arrivé? Bien sûr, ça m'est arrivé 5 fois en 2 mois. 5 accidents en 2 mois à faire 12 heures par jour. La volonté de réussir, mais de j'ai payer. Pas le choix, et surtout de payer, parce que je me suis piégé dans un crédit. C'est un échec pour vous? Oui. Ce choix? Là, je regrette 10 000 fois, 20 000 fois d'avoir continué dans ce secteur-là. Donc voilà, je travaille pour être à découvert. Et j'ai pris aucune vacance depuis que Uber, toutes les applications ont débarqué, qu'ils ont cassé les prix. Ça fait 2 ans et demi que je suis là-dedans. Si je prends un jour de repos, je suis obligé derrière d'enchaîner 15 heures d'affilée pour pouvoir couvrir le jour de repos. J'ai un appartement à payer, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges et tout. Je tombe malade, je suis fini. Allez à Stein expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Allez, là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement, il n'y a personne qui est au RSA. Moi, je ne sais pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux, parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Aujourd'hui, dans notre société, vous avez 90% des gens qui sont en situation de salariat. Donc, c'est pas vrai que c'est la fin du salariat et autres. C'est pas vrai. Bon. Notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60, 70 heures pour toucher le SMIC. Mais ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail. Ils mettent un costume, une cravate. Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'on leur a offert de mieux? Donc, Ce qu'il faut faire, c'est leur apporter des protections, premier point, et deux, c'est qu'il y ait une trajectoire de progrès. Je ne suis pas pour l'ubérisation de la vie économique. D'abord parce que ce qui me choque, ce n'est pas la situation que je décris, qui aujourd'hui est un état de fait et permet à certains d'avoir un quotidien meilleur qu'hier. C'est le fait, par exemple, que leur employeur ne paye pas d'impôts en France. Ça, c'est un vrai problème contre lequel on doit se battre, contre lequel des mesures d'ailleurs concrètes ont été prises par l'Europe et par la France. Donc je ne suis pas un ubérolâtre, au contraire, parce que je pense que leur vocation finale, c'est de ne pas payer d'impôts et c'est plutôt d'avoir des véhicules autonomes. C'est même pas d'avoir des chauffeurs mal payés. Le deuxième point, c'est de protéger ces jeunes ou moins jeunes qui rentrent dans la vie active par, en effet, ce statut d'auto-entrepreneur. Et donc là, je suis pour une protection contre le risque chômage et une formation professionnelle qui soit déconnectée des cotisations qu'ils payent. Parce que pourquoi c'est moins cher? Parce que vous ne payez pas de cotisations sur ces contrats. Et donc, je dis, ils doivent avoir les mêmes droits que les autres parce qu'eux en ont justement plus besoin que les autres. Et ce qui ne marche pas, c'est aujourd'hui le système où, au fond, ces droits dépendent de la cotisation. Et donc, comment vous arrivez à lisser ces différences injustes? Eh bien, en finançant votre modèle différemment et en le faisant fonctionner différemment. Et trois, ces jeunes-là. Je vais leur dire, tu vas aller retenir le mur demain ou tu vas continuer tes trafics ou tu vas être RSA. C'est ça la promesse qu'on veut pour eux? Moi, non. Donc, je ne veux pas qu'il passe sa vie comme chauffeur Uber. Donc, je veux que derrière, parce qu'il est rentré justement dans le travail, qu'il n'avait pas de formation initiale, qu'il ne trouvait pas au SMIC horaire un job, eh bien qu'on puisse le former, qu'il ait un droit à la formation continue, qu'on l'aide ensuite à accéder à un métier qui est moins pénible, à accéder justement à d'autres fonctions. C'est ça ce que je veux. Mais je n'en peux plus de l'assignation à résidence. Emmanuel Macron, invité de Mediapart le 2 novembre 2016. Le terme de salariat déguisé, qu'est-ce que c'est ça vous inspire? Parce que en fait, c'est simple. Demain, par exemple, si vous avez une société, vous vendez un produit, mais on va dire 1 000 euros, vous le vendez. Uber arrive et il vous dit non, c'est pas 1 000 euros, c'est 400 euros, je prends 25% dessus. Donc c'est qui le patron dans tout ça? C'est vous qui avez fixé le prix au départ ou c'est Uber qui a fixé le prix? Qui c'est le patron entre vous deux? Donc aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être en fait, salarié, on n'a aucune couverture sociale, on a le RSI qui nous tape sur la tête tous les 3 mois. Mais le RSI, vous vous rendez compte si on déclare tout? C'est quoi le RSI? C'est le... Comment ça s'appelle? Voilà. Qu'est-ce que c'est l'ubérisation, Gérard Filoche? Pour eux, pour ces inventeurs, géotrouve tout, c'est la fin du salariat. Je ne viens pas. Ils croient qu'ils vont pouvoir se débarrasser de 170 ans d'histoire du salariat en envoyant tout le monde au statut de loueur de bras, de tâcheron. Messieurs, je vous donnerai un exemple. C'est un exemple peut-être un peu scabreux, mais je crois très significatif et qui éclaire tout. Messieurs, que préférez-vous? Ou disons plutôt, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Votre femme ou l'une de ces mulâtresses qui sont là? Non, ne vous méprenez pas, c'est du point de vue économique dont il s'agit, du prix de revient, de la rentabilité du produit à l'état brut. J'entends par là de l'amour. L'amour physique, cela va de soi. Il ne faut pas confondre sentiment et économie. Eh bien, à une femme, on doit offrir un toit. On doit l'habiller, on doit la nourrir, et il faut bien la soigner quand elle est souffrante, etc., etc. Il faut qu'une femme soit entretenue pendant toute sa vie, aussi quand elle devient vieille et improductive. Et il faudra payer encore pour ses funérailles si par hasard on lui survit. Croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. À l'inverse, avec une prostituée, tout s'arrange. Les frais sont insignifiants. On n'est pas obligé de la loger, de la soigner, de la nourrir, de la vêtir et encore moins de l'enterrer. Une prostituée se prend lorsqu'on en a envie et on ne la paie que pour cela. Et elle est payée, si on peut dire, à la tâche. Et alors, messieurs, quel est le plus rentable? Un esclave ou un ouvrier salarié? Moi, je me réfère toujours à un film, un grand film, oublié, qui s'appelle Quémada, avec Marlon Brando, 1969, Gilles Pontécorvo. Et dans ce film, c'est la révolte des esclaves à Haïti, Saint-Domingue. Les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les massacrent, les esclaves se soulèvent encore, les propriétaires terriens commencent à avoir peur, et arrive l'agent anglais, qui est Marlon Brando, et qui dit « Mais arrêtez avec l'esclavage, libérez-les, réfléchissez 2 minutes. Les esclaves, ça vous coûte cher, vous les avez tout petits et jusqu'à la mort, vous êtes obligés de les loger, et même quand ils peuvent pas travailler, vous êtes encore obligés de les nourrir. Faites-en plutôt des salariés, vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux, et pour le reste, ils se démerdent. » Et évidemment, les grands propriétaires terriens adoptent le point de vue de Marlon Brando. Et ça, c'est le début du salariat, ce qu'on appelait les tâcherons, les loueurs de bras, les journaliers. Ils vendaient leur force de travail, et puis après, il fallait qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils avaient récolté pour leur famille, pour leur retraite, pour leur maladie. Donc le salariat s'est battu pendant 170 ans, depuis Marlon Brando, pour obtenir ce que les esclaves avaient tout en gardant sa liberté. Ils ont gardé un salaire net pour vivre, mais ils ont reconquis un salaire brut pour faire comme les esclaves, c'est-à-dire avoir un toit pour leurs enfants, pour la maladie, pour le chômage et pour la retraite. Et ça, c'est le salaire brut qui est en haut de la feuille de paye. Et le salariat, 170 ans pour conquérir ça. Pour reconquérir ce que les esclaves avaient en restant libres. Et l'attaque à laquelle nous avons affaire aujourd'hui, depuis une, deux décennies en tout cas en France, c'est pour reprendre le salaire brut en n'oubliant plus que le salaire net, comme Marlon Brando le voulait. L'argument au sujet des filles ne me convainc qu'à moitié, monsieur. Il manque une hypothèse. Si notre nègre, alors qu'il cessera d'être esclave, au lieu de devenir un ouvrier, voulait devenir patron. Exactement ce qui peut arriver si nous continuons à discuter de cette façon. Ainsi, vos anciens esclaves ne deviendront pas vos ouvriers salariés. Ils ne deviendront pas non plus vos patrons, monsieur. Mais vos tortionnaires et vos bourreaux. Ce retour au travail indépendant, c'est un retour aux années à la fin du 19e, et même un retour aux années 1840-1850, c'est-à-dire les tout débuts de la révolution industrielle. Jacques Le Goff. Quelle est la configuration de l'industrie à l'époque ? Professeur émérite des universités. Des petits ateliers dans la campagne, des ateliers de tissage, des ateliers de métallurgie, la petite métallurgie, la clouterie. Et donc c'est des gens qui sont en situation de sous-traitance pour des fabricants et des négociants, mais qui sont dans un rapport de parfaite indépendance à leur égard. Ils sont payés à la tâche ? À la pièce, oui, à la tâche. Et c'est des conditions absolument épouvantables. À l'époque, vous en doutez. Avec des heures de travail de l'ordre de 15 à 16 heures par jour pour réussir à survivre, simplement. Et donc, fin 19e, il y a aussi là tout un courant qui défend l'idée du travail indépendant et, chose stupéfiante, du côté du monde du travail, dont le rêve est, disons, un rêve proudhonien, en somme, un rêve anarchiste d'auto-organisation, d'auto-gestion, sous la forme de sociétés coopératives, sous la forme de sociétés de production, etc. Dans un statut qui ne soit pas un statut de salarié, bien sûr, qui n'existe pas encore, mais enfin on en a l'idée, mais qui soit un statut d'indépendant regroupé. Donc ce qui se passe aujourd'hui a des antécédents pratiquement tout au fil de l'histoire du travail et du monde du travail et du droit du travail. Alors quelle est la nouveauté d'Huber ? C'est l'espèce de légitimité dont paraît disposer ce type de pratique aujourd'hui, qui apparaît pour bon nombre comme la solution d'avenir, en somme. Parce que elle garantit l'aspiration à l'autonomie, et même une certaine forme d'indépendance, dans un rendement qui peut être, au moins dans l'idéal et dans le rêve, suffisant pour vivre. Et puis c'est porté, évidemment, par la culture libérale qui, progressivement, a percolé dans la société et qui porte ce message efficacement. Donc tout ça, ça se conjoint pour produire ce type de pratique de contournement du droit du travail. Le salariat, c'est pas une vérité absolue et c'est pas une vérité éternelle. Éric Verhaeghe, chef d'entreprise. Donc il y a eu un débat autour de la Révolution française où on a eu une hésitation entre la question du contrat de louage, c'est-à-dire je loue la personne au jour le jour, et le contrat de travail qui consiste d'une façon ou d'une autre à recréer le lien de subordination qui existait entre le seigneur et son paysan sous l'Ancien Régime, mais dans une forme adaptée à la révolution industrielle. Quand on lit Marx, on comprend la résistance à ce statut de salarié, parce qu'on voit bien que des gens comme Marx ont très tôt compris la nature aliénante de ce statut social. C'est-à-dire que le salariat a, et pour une grande partie de la gauche, de l'extrême gauche, était le synonyme pendant des dizaines d'années, pendant des décennies et presque des siècles, d'une aliénation. Ce qui est évident, c'est que, je prends l'exemple d'Huber, puisque je suis venu vous retrouver avec un Huber. Huber, c'est quoi ? C'est le retour à une forme pré-salariale ou le passage à une forme post-salariale du rapport de travail. C'est-à-dire, moi, j'ai une capacité à vous vendre un service et je ne vais pas passer par l'intermédiaire d'un patron pour le faire. Et on voit bien que la révolution numérique, elle redonne un coup de fouet à cette résistance au salariat ou à ce refus du salariat. Si on fait l'histoire du capitalisme depuis 50 ans, on s'aperçoit que c'est l'histoire d'une émergence de grands groupes où le salarié est de moins en moins responsabilisé. Et que, évidemment, si vous avez le choix entre être un petit patron qui vit plus ou moins bien, mais indépendant, et être un salarié qui vit plutôt mieux, mais complètement subordonné dans des tâches sans intérêt, vidées de leur sens, à un moment donné, vous faites un arbitrage. Il y a une volonté, une tentation de l'indépendance ou de la désaliénation dans notre société, dans les sociétés occidentales en général, par l'émergence de gens qui vous disent ben « moi j'ai un logement, j'ai envie de le louer, ni vu ni connu, ça va arrondir mes fins de mois. J'ai un boulot pas très intéressant mais il me prend 35 heures, le reste du temps j'augmente mes revenus en louant tel service, mon logement, ma voiture, etc. etc. » Et ça, d'une façon ou d'une autre, c'est une tendance historique qu'on ne peut pas ignorer. C'est surtout qu'avec Uber, en deux clics, vous êtes transporté où vous le souhaitez par un chauffeur sélectionné. Et vous pensez que c'est simple d'organiser du transport de personnes, que ce soit en voiture, en avion ou encore en hélico ? Non, il nous faut du monde, des gens motivés, des gens dédiés. Et ça, du monde, chez Uber France, il en manque. Nous avons rendez-vous à l'Assemblée nationale pour les assises de l'ubérisation organisées par l'Observatoire du même nom. Il regroupe principalement des chefs d'entreprise et revendique quelques parlementaires parmi ses membres. L'Observatoire de l'ubérisation est un groupe de réflexion, pour le dire pudiquement, et entend, comme l'annonce son fondateur Grégoire Leclerc, accompagner la révolution numérique et adapter le droit social à la condition des travailleurs ubérisés. Mais ce jour-là, à l'Assemblée nationale, un couac dans l'organisation de l'événement empêchera la tenue des assises. Pourtant, dans la salle, la conversation s'engage entre quelques participants. Je me demande toujours où je mets les pieds, en fait, ici, hein, parce que j'ai compris sur le site internet que c'était quand même les assises d'un sacré lobbying. Hein. Danielle Simonet, coordinatrice du parti de gauche. Des gens qui sont très pro-ubérisation avec... des représentants des grandes plateformes qui sont en train aujourd'hui d'imposer leur case du code du travail, hein, imposer un modèle du travailleur sans droit, qui impose aussi un modèle de l'optimisation fiscale et un modèle qui va casser la sécurité sociale. Donc j'aurais bien aimé pouvoir apporter la contradiction. J'avais j'avais toute mon énergie ce matin. L'économie dite collaborative. Il y a un patron derrière tout ça qui s'appelle Travis Kalanick. Lui, il a carrément assumé et revendiqué « mon projet est politique ». Il s'agit d'imposer un modèle du travailleur sans droit. Travis Kalanick est le fondateur et PDG de Uber. Travis Kalanick. Retenez ce nom-là, faites une fiche. Par exemple, il a réussi dans son conseil d'administration à embaucher plein de gens hyper influents de partout. D'abord de l'Union européenne, il a recruté Nelly Kroes. C'était l'ancienne commissaire chargée de la concurrence, épinglée pour ses sociétés offshore ou Bermudes. C'est moche, hein ? Faites choper pour un rien, vraiment. Mais alors, ils ont aussi recruté un certain David Plouf. C'est l'ancien conseiller d'Obama. C'est pas utile, hein ? Bon, maintenant un peu moins, mais quand même, c'est influent. Et il y a aussi un certain Grégoire Kopp. Vous ne connaissez pas Grégoire Kopp, hein ? Ben, il est de chez nous. Il est maintenant le directeur de la communication d'Uber et c'est l'ancien membre du cabinet d'Alain Vidalis, le ministre des Transports. Eh ouais ! Eh ouais ! Danielle Simonet, vous êtes l'auteur d'un spectacle dans lequel vous parlez d'ubérisation et vous parlez aussi de Grégoire Kopp. J'en parle dans mon spectacle, je le mets à l'honneur, je montre à quel point Uber a une logique de lobbying très forte. Et donc, monsieur Grégoire Kopp, brillant jeune homme qui est là, dans ces grandes entreprises Uber, mais tous les autres font la même chose, le fait de pouvoir capter des gens qui sont issus des ministères de différents pays et issus des sphères aussi médiatiques, leur permet aussi de s'assurer des réglementations et des évolutions législatives qui vont dans le sens de leur intérêt. C'est ça la logique du lobbying. Hein. Ils commencent par le secteur du transport, avec le mythe de l'idéologie de la politique de l'offre, qui, soi-disant, va créer plus d'emplois, d'activités, alors que ça paupérise, au lieu de se poser la question, en fait, des besoins, au lieu de se poser, alors justement, au lieu de se poser la question des besoins sociaux et environnementaux, en termes de mobilité et de qu'est-ce qui correspond à nos impératifs écologiques, par exemple, et à nos impératifs sociaux, et d'organiser les choses, eh bien, on met en place un dumping social de folie qui paupérise l'ensemble, mais qui est en train de se développer dans bien d'autres secteurs. C'est dommage de présenter ce verre même pas à moitié vide, hein, là pour le coup totalement vide. Grégoire Kopp. L'ubérisation, c'est que des dégâts. C'est la fin du monde, c'est la fin des gens, la fin du travail. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est que c'est plutôt une nouvelle forme de travail. C'est une nouvelle forme qu'il faut accompagner. Parce que bien sûr, ça pose des questions, notamment en termes de protection sociale. Comment est-ce qu'on fait pour que ces indépendants puissent à la fois avoir le meilleur de la technologie, travailler quand ils veulent, mais en même temps avoir le meilleur de la France, c'est-à-dire une protection, un accompagnement, une formation. Et donc c'est pour ça que plutôt que de caricaturer, on pourrait essayer de se mettre autour d'une table et décider qui doit payer quoi pour qu'on puisse accompagner ce système. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut être indépendant. Et donc, ça, c'est une liberté. C'est quelque chose qui est bien pour les gens. Et d'ailleurs, que ce soit les chauffeurs VTC chez nous, la plupart des gens qui sont indépendants le disent, c'est une chance de travailler quand je veux. Il y a une vidéo en ce moment qui circule que je trouve très intéressante et qui montre en fait des vendeurs de canettes de soda qui rentrent dans les cafés et qui vendent leurs canettes de soda à 50 centimes aux terrasses des bars. Alors forcément, les patrons, ils sont pas d'accord, hein, ils trouvent ça pas cool, quoi. Et puis les clients, même eux, ils trouvent que c'est un peu exagéré. Et donc le vendeur dit, mais enfin, c'est la concurrence libre et non faussée. Et finalement, ce que l'ubérisation est en train d'organiser, c'est un grand marché à la sauvette. Vous avez en ce moment sur les murs du métro des grandes publicités pour une plateforme qui s'appelle Helpling. Et donc, c'est une plateforme qui propose des femmes de ménage. Alors, au premier abord, c'est sacrément pratique. Vous ne savez pas comment trouver votre femme de ménage. Vous allez, du coup, sur cette plateforme-là et on vous met en relation avec une femme de ménage ou un homme de ménage. Hein, mais désolé, c'est quand même souvent très, très genré. Et donc, pour les hommes ou femmes de ménage, c'est très pratique de se dire qu'ils vont pouvoir trouver des clients. Bon, là-dessus, on se dit pourquoi pas. Mais quand on va sur le site, on se rend compte que c'est des statuts d'auto-entrepreneurs qui sont proposés. Or, pour les femmes de ménage, ça fait à peine une dizaine d'années qu'on a enfin obtenu qu'il y ait des chèques emploi-service. C'est-à-dire que ces personnes-là qui font 2 heures par-ci, 2 heures par-là, puissent avoir une protection, puissent cotiser à leur retraite et que leur employeur occasionnel, pour 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ait l'obligation, bon, moyennant des aides fiscales sur lesquelles on pourrait revenir et discuter, mais sont obligés aussi de cotiser à leur retraite. Or, là, vous avez, par l'exploitation du statut d'auto-entrepreneur, on fait voler ce maigre acquis du chèque emploi-service pour justement le statut d'auto-entrepreneur qui est la plus belle arnaque. Ne confondons pas tout. Quand on est contre l'ubérisation, on n'est pas du tout contre le numérique. Au contraire, le numérique est là pour nous émanciper de tout un tas de tâches ingrates et pour nous améliorer. Ça me fait plaisir de l'entendre dire, enfin. Et d'ailleurs, les taxis utilisent des plateformes de mise en relation. C'est pas du tout ça le problème. Le problème. Sur le marché de la mobilité, est-ce que sans l'apparition des VTC, ils auraient pu avancer? Est-ce que l'on. Comment aussi. Chacun son tour, on s'interrompt. Regardez, parce que vous voulez faire une contradiction entre les taxis et les VTC. C'est le même marché. C'est un marché qui grossit pour tout le monde. Quand les gens peuvent enfin se passer de leur voiture individuelle, ils vont choisir un VTC, ils vont choisir un taxi, peu importe. Alors, les taxis. Et les VTC. Est-ce qu'il y en a parmi vous, et vous inquiétez pas, hein, on va pas vous poursuivre, qui ont l'appli Uber ou chauffeur privé ou le cab? Allez, levez la main. Allez. Eh bien, vous avez bien fait de venir. Vous avez votre appli sur votre smartphone. Vous avez la possibilité donc de géolocaliser un chauffeur qu'on appelle VTC, hein, véhicule de transport avec chauffeur. Et donc, il y a à travers cette plateforme, que ce soit Uber, le cab, chauffeur privé, il y a un algorithme qui, en fonction de l'offre et la demande, va calculer le prix. Bien. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils font le métier de taxi. Mais en fait, il y a beaucoup de différences avec le métier de taxi. Pourquoi ? Parce que la profession des taxis, elle est extrêmement réglementée. Les taxis, par exemple, ils ont une formation plus de 6 mois. Voilà. Pas du tout la même chose que pour les VTC. Les taxis ont l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Les taxis, eh bien, leurs courses, c'est pas eux qui les fixent, hein, c'est la préfecture qui fixe le prix des courses. Les taxis, pour pouvoir avoir le droit de travailler, eh bien, ils doivent avoir une licence. Hein. Et cette licence, eh bien, ils vont la payer très cher, hein, entre 200 000 et 300 000 euros. Alors qu'un chauffeur VTC, pour avoir le droit de travailler, il va payer l'équivalent d'une licence, mais à 150 euros. Donc il y a même beaucoup, beaucoup de différences. Et en fait, dans l'ubérisation, le principe de l'ubérisation, c'est souvent ça. Vous avez une profession réglementée, puis vous mettez des auto-entrepreneurs avec pas du tout les mêmes réglementations, et donc du coup ça crée la guerre des travailleurs entre eux, quoi. Dumping social, quoi. Vous pouvez dire aussi ryanaiser, puisque les pilotes de Ryanair sont des auto-entrepreneurs. Les navigantes de Ryanair sont des auto-entrepreneuses. Et donc, ils sont chacun à leur propre compte et ils louent leur propre service. Ils font ça bientôt pour les autocars de Macron. Et un jour, ils vous feront ça pour les chauffeurs de train, s'ils y arrivent. Ils ont fait ça aussi pour les marins, dans les marines marchandes. Et il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Attali le dit clairement, seule l'élite sera salariée. Et autour, vous aurez une nébuleuse de gens auxquels on fera appel. Alors, pour couper les plantes au Sénat, les jardins dans les hôpitaux, le nettoyage, c'est déjà le cas. Et puis, les informaticiens qui viennent chez vous pour réparer votre ordinateur sur commande et qu'on va faire auto-entrepreneur et que là, il y aura une plateforme pour dire vous allez là, ça sera pas différent des chauffeurs d'Uber. Et c'est déjà le cas. Vous aurez ça pour des femmes de ménage. Vous aurez ça pour des profs auxquels on ira faire des cours de rattrapage le soir. Et puis, petit à petit, vous généraliserez ce système de façon à ce que vous n'ayez plus à payer de cotisations sociales lorsque vous avez une tâche, une mission ou un chantier. Tout ça est d'un même effort pour baisser le coût du travail. Ils calculent seulement que s'ils arrivent à faire que les gens ne soient plus salariés, le coût du travail diminue encore de moitié. Un VTC aujourd'hui, c'est 50% du coût d'un taxi. On vit ensemble, on est ensemble. Solidarité ! Allons-y, on va aller voir le patron du Uber. Laissez la caméra, nous on n'a pas fait la caméra. Nous on dit la vérité. Aujourd'hui ils ont mis quoi ? Ils ont mis aujourd'hui c'est fermé. On est dedans jusqu'à la mort. Vous rigolez, vous êtes là. J'étais sur le rond-point pour faire demi-tour, je viens d'arriver, il y a encore des chiens qui travaillent. Oh les gars ! Il faut aller les chasser, il faut aller dans Paris. 250 personnes. Il y a un mec, il est devenu plan de farine. Il bouge pas. C'est comme ça qu'on va devenir dans pas longtemps. Regardez en bas au pied. Les chiens, des tours. Pourquoi tu dis dans combien de temps? On l'est déjà maintenant. Qu'est-ce qu'il raconte? On travaille 50 ans maintenant. Non, on est plus de l'esclavage qu'autre chose. L'esclavage parce que, comme un système de notation, parce que peut-être on a mis un coup de frein pour éviter un accident, le client ne voit pas ce qui se passe. Voilà, il a une conduite dangereuse. Le lendemain matin, je me lève à 4h du matin et l'application est désactivée. Il faut savoir que aussi les applications, maintenant, ils s'est mis à nous pister, ce que fait Uber. Par exemple, le freinage trop impulsif ou conduite trop agressive. Ils s'amusent à tout pister en fait. C'est marqué dans l'application. Exactement. Dans l'application. Ils vous donnent un rapport de votre conduite. Donc en fait, on se lève toujours avec la boule au ventre. On va pas s'arrêter de travailler. H24, ça nous dérange pas, mais qu'on soit payé dignement, qu'on travaille pas pour rien. En parlant de motivation. Vous imaginez un chauffeur qui fait 80 heures par semaine. Est-ce que vous en trouvez? Est-ce que vous trouvez ça, c'est pas de la motivation? Si on n'était pas motivé, on va pas se réveiller à 4h du matin, à 3h du matin. Moi, depuis 13h, je suis debout. Regardez, 13h, ouais, regardez quelle heure il est. Et là, non. Je suis là en train de faire. Ah, si, sérieux, je suis debout depuis 13h. Vous travaillez hier? Non, j'ai pas dormi, je suis là. Je suis venu faire la grève. Le problème qui se pose, c'est que là, on parle des applications et tout, mais il y a un réel souci en fait, parce qu'il y a un écosystème autour du VTC. Et ceux qui se font le plus savoir, c'est les chauffeurs, parce qu'ils sont au bas de l'échelle de tout cet écosystème. Les applications ne sont pas connes. Elles savent très bien que si le chauffeur loue un véhicule, il faudra forcément qu'il soit sur le terrain pour payer ce véhicule-là. Moi, qu'est-ce que je dis? On a changé de monde. Nathalie Kosciusko-Morizet. L'économie, la société sont en train de subir des transformations profondes. Aujourd'hui, les jeunes qui entrent sur le marché du travail, on leur propose pas des CDI et souvent on leur propose pas des CDD. Écoutez, il y a deux solutions. Soit on fait comme si c'était pas en train de se passer ou comme si ça pouvait redevenir comme avant. Les conservateurs de gauche, ils vous promettent que rien va changer. Vous allez avoir des CDI, des CDD. Et les conservateurs de droite, ils vous promettent que ça va redevenir comme avant. La vérité, c'est que c'est pas possible. Et donc notre enjeu à nous autres politiques, c'est pas de promettre des trucs qui n'arriveront pas, de vous dire que vous pourrez travailler avec un CDI toute la vie dans la même entreprise comme du temps de vos parents. Notre responsabilité à nous autres politiques, c'est de faire en sorte que ce nouveau monde ce soit pas la jungle. Par exemple, très concrètement, moi je propose qu'il y ait un statut général du travailleur indépendant, pour que être travailleur indépendant, ce soit vraiment une opportunité, avec une protection sociale, avec la possibilité de se louer quand même un appartement, parce que c'est pas facile quand on est travailleur indépendant aujourd'hui. Je dis plutôt que de tourner le dos au nouveau monde, faisons en sorte que ce soit véritablement une chance. Avant, j'étais coiffeur. Même si j'avais un salaire moyen, au moins je savais que mon salaire était fixe. Et en dehors de ça, je ne vais pas mentir, c'est que j'avais des pourboires. Donc je pouvais vivre tous les jours avec les pourboires. Et je pouvais payer mes factures. Et vous, Mustapha ? Moi, avant, j'étais sous-directeur au McDo. J'ai travaillé pendant 7 ans et je gagnais entre 1 800 et 2 000 euros. Aujourd'hui, soi-disant, je suis patron. parce que j'ai créé ma société. Mais aujourd'hui, j'arrive même pas à me verser un salaire de 1000 euros. Aujourd'hui, on en a marre. On veut être reconnu. Et quand on entend les politiciens dire on préfère qu'un chauffeur touche 3,75 € de l'heure que d'être au chômage, aujourd'hui, on se dit que même les politiciens, ils ont une part de responsabilité. Ils sont pas dans le monde. Et l'État, aujourd'hui, ne fait pas de contrôle. Il y a un laisser-aller, c'est-à-dire au profit de ces plateformes. Un jour ou l'autre, on va craquer. On est des êtres humains. On ne peut pas bosser tout le temps. Les CRS nous disent, ouais, il faut faire attention, voilà, garder une bonne image, etc. Mais le caillou, ça pèse plus que la gentillesse ou le respect de l'autre. Je suis désolé. Les taxis, ils ont tout cassé et ils ont gagné. Et là, le truc. En mai 68, c'est avec des pavés que ça s'est fait. Ça s'est pas avec des peace and love. Et malheureusement, on est un peu trop, je trouve, beaucoup trop même gentil. Parce que soi-disant, on a une image. Mais si, monsieur, comme le disait M. Macron, on est tous originaires de banlieue, etc. Bah dans ce cas-là, on va lui montrer ce que c'est les banlieues. Ça peut très vite déborder. Et la plupart ici, ils cherchent que ça. Partir et aller créer des vraies actions. C'est la première fois que vous faites une grève ? Tout à fait. J'ai 27 ans, j'ai 2 enfants et pourtant, je suis là. J'ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi. J'ai essayé de peser le pour et le contre. Et à la fin, c'est la colère qui a gagné. Emmanuel Macron, il a sorti ses belles paroles à 2 balles, là. Mais demain, quand on va tous mettre la clé sous la porte, c'est lui qui va pleurer. Parce que là, on va tous retourner soit au chômage pour certains, soit au RSA pour d'autres. Donc là, les phrases qu'il a dit, en plus, en public... C'est pas que ça nous blesse. Mais je pense que ça nous vexe. Parce que c'est pas des phrases à dire. On est pratiquement tous issus des banlieues. Maintenant, aujourd'hui, on est en mode off. Mais s'il nous démarre... Vous avez vu en 2005, hein. Vous, en 2005, vous étiez tout jeune. J'avais 17 ans, donc ouais, j'étais là, j'étais avec mes amis en l'occurrence. On a foutu le bordel, c'est vrai. Avec le temps, avec le recul, je me dis, ouais, c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais on n'a pas 50 manières de s'exprimer, il est là le problème. Là, c'est vrai que je peux encore plus vite exploser, et en l'occurrence, parce que voilà, il faut que je nourrisse mes enfants. Donc, j'ai plus aucune retenue. Même si je me dis, bah voilà, je vais aller en garde à vue, je vais avoir des problèmes avec la justice, c'est vrai, c'est triste à dire. Mais si j'ai pas d'autre choix, je suis obligé de faire ça. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je dis. Nous, on arrête de parler et on y va. On arrête le blabla. Vous voudriez aller où ? On va aller, on s'en fout, sur le périph', n'importe où. Je suis à deux doigts de vous dire, on casse tout pour se faire entendre. C'est pas la solution, mais malheureusement, il n'y a que ça à faire. Regardez les taxis, ils ont tout cassé, ils ont retourné Paris. C'est triste à dire, mais la France, c'est un pays que j'aime. Je suis né ici, je suis français. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que ce pays, il veut vraiment nous pousser à l'explosion. Nous, il faut qu'on se révolte. Il manque que ça. En France, il manque une révolution. Le lobbying intense conduit par la société Uber se joue aussi sur le terrain. Ce jour-là, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, le 30 novembre 2016, Uber organise une opération de séduction et de recrutement. L'opération 70 000 entrepreneurs, c'est son nom, parcourt l'Île-de-France à la rencontre de futurs auto-entrepreneurs. En quelques clics, les dizaines de postulants présents ce jour-là se voient créer leur compte chauffeur, première étape de leur entrée dans la grande maison Uber. Du coup, je vais vous créer votre compte chauffeur. Est-ce que je peux avoir votre prénom ? Donc c'est Ahmed, c'est ça ? Ouais. Hop. Elle prononce le H. Ouais, parce que moi je suis du Maroc, alors je prononce le H. D'accord. Je vous laisse écrire un mot de passe. C'est Ahmed avec un E. Yac. Ouais. A-H-M-E-D. C'est ça. Hein. Ok. Alors je mets ça. A-H-M-E-D. Ok, alors... Donc là, normalement, ça m'aura créé. En attendant, puisqu'on fait ça, je vais faire monsieur. Si vous avez déjà un compte ou pas ? Il faut créer un compte. Je vais vérifier. Là. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vais faire la même chose. J'ai fait ça, en fait. C'est la première fois que j'ai fait par sur une annonce de Facebook. Ouais. Attendez, je regarde. Voilà, ok, parfait. Vous êtes déjà dans le système. Là, donc c'est un petit papier qu'on vous a distribué. Devenez chauffeur VTC indépendant pour 99 € seulement. Ouais. Donc il y a une promo sur le VTC ? C'est une promotion ? C'est ça qu'on a. Oui, c'est, un promo. C'est une promo parce qu'avant ça coûtait plutôt dans les 400-500 €, je crois. Oui, jusqu'à 900 €. Ouais, on est arrivé jusqu'à 1000 €, ouais, 900 000 euros comme ça. Daniel Goldberg. Moi, je pense que c'est une nouvelle forme de pratique professionnelle. Donc, c'est aussi ça. Moi, c'est à titre d'intérêt. Moi, je suis pas pro-Uber ou anti-Uber. Maintenant, l'économie numérique, c'est dans nos vies. Donc, on peut dire que ça n'existe pas ou on peut, ce que j'essaie de faire, s'y intéresser, voir pourquoi ça intéresse beaucoup de citoyens et en particulier de jeunes issus de nos quartiers populaires de venir travailler dans ce type de société, voir les obstacles qu'il y a, voir les débouchés professionnels par la suite. Donc, je considère que en tant que parlementaire, c'est mon rôle de m'intéresser à ça. Alors pareil, je vais vous demander les mêmes questions que tout ce que j'ai demandé au monsieur tout à l'heure. Donc le niveau de formation, études s'il vous plaît. Bac, BEP. Bac scientifique, on appelle ça, non? Très bien. Votre date de naissance, s'il c'est vous plaît. 12-81. Comment est-ce que vous avez entendu parler? Sur Facebook. C'est un ami qui a liké ça et voilà, j'ai trouvé sur mon d'accord. profil. Parfait. Et j'ai fait l'enregistrement à la de suite. Et j'ai reçu les mails okay, pour me dire qu'on vient prendre un café. Ben voilà, on vous a offert un café ou pas? Oui, bien sûr. Ah ben voilà, ouais. L'arrivée, là. Sinon, vous l'auriez eu. Alors, votre situation actuelle, est-ce que vous là, êtes... Là, je suis demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi. Oui, je suis enregistré à Pôle emploi, alors on dit ça. Par ailleurs, on a voté une loi sur l'économie numérique il y a quelques temps, ou bien sûr que ce soit Uber ou Airbnb, ces nouvelles formes de travail, on doit s'y intéresser. Alors, même si juridiquement, les gens ne sont pas salariés, c'est une forme de suggestion entre quelqu'un qui travaille à l'aide d'une plateforme, mais en fait quand même avec les règles d'une plateforme. Vous voulez dire que c'est un salariat contourné ou un salariat déguisé? Mais pas seulement avec Uber, ça existe dans plein d'entreprises. Vous avez des comptables à qui on dit vous êtes salarié depuis 10 ans dans l'entreprise, on va changer, mettez-vous à votre compte, créez une société, on va vous passer des contrats, jusqu'au moment où on ne lui passe plus de contrat parce que la société décide de changer de comptable. Alors je cite ce métier-là, mais il y en a plein d'autres, y compris dans le nettoyage industriel ou dans tant que quantité de corps de métier qui étaient intégrés auparavant dans les entreprises et qui ne le sont plus. Alors là, c'est un constat qu'il faut combattre ou un constat qu'il faut accompagner? Ben, je veux bien le combattre, mais je pense que ça, c'est un combat d'arrière-garde de le combattre. La question, c'est de réguler ces secteurs de l'économie pour que celui ou celle qui travaille ait aussi un déroulé de carrière et des conditions sociales, ait le droit à une protection sociale, ait le droit à la retraite, quelque part de la même manière que s'il avait une activité salariée. On va vous mettre en relation avec des capacitaires de sorte que vous puissiez tout de suite commencer à rouler. Et en parallèle, vous faites la formation et puis vous passez l'examen et les étapes qui vont suivre. Hein, et on sera là à toutes les étapes pour vous accompagner. Mais au moins, ça vous permet d'être actif tout de suite. Bernard Friot, est-ce que le terme d'ubérisation vous paraît le plus adapté? Oui, bien sûr. Du part parce qu'il désigne bien le responsable, c'est-à-dire le propriétaire de la plateforme dite collaborative, hein, les actionnaires d'Uber. Bon. Et donc, bien, ce sont eux qui sont à la manœuvre, bien sûr. Hein, et beaucoup de ceux qui travaillent sur ces plateformes l'ignorent ou pensent que l'horizontalité des relations qu'ils entretiennent entre eux ou avec des clients peut leur faire oublier, même s'ils ne l'oublient pas à cause de la rente qu'ils doivent payer aux actionnaires, mais enfin, peut leur faire oublier que en fait, ils sont exploités. Et ils sont exploités puisqu'une partie de la valeur qu'ils produisent va à des actionnaires. Et des actionnaires qui se défaussent de toute responsabilité d'employeur, hein, puisque nous sommes dans la liberté de la collaboration. C'est vieux comme le capitalisme, ça n'a rien de neuf. Hein. Donc vous nous décrivez un phénomène qui n'est pas nouveau. Est-ce que pour autant il y a des outils contemporains qui lui donnent une dynamique différente? Oui, mais ce qui montre bien que les outils ne sont que des outils. Hein. Nous ne sommes pas une société du numérique, nous sommes une société capitaliste qui utilise le numérique comme elle pourrait utiliser autre chose. Mais les rapports sociaux ne sont pas changés fondamentalement. Non, il n'y a aucun changement fondamental. Et si vous prenez un chantier du BTP, avec Bouygues ou n'importe qui, vous aurez 3 salariés, puis vous aurez 350 travailleurs prétendument indépendants. Hein. Donc, c'est pas du tout propre à la numérisation. Ça n'a rien à voir, même, et ça n'est pas accéléré par la numérisation. Il faut arrêter toutes ces sottises. C'est une tendance foncière du capitalisme que de récuser l'enrichissement du poste de travail qu'a construit le syndicalisme dans l'emploi. Nous, on a conduit une étude quantitative qui nous amène à la conclusion qu'environ 10% des emplois seraient extrêmement vulnérables face à la numérisation, à l'automatisation. Marie-Claire Carrergé, présidente du Conseil d'orientation pour l'emploi. Et l'autre leçon essentielle de notre étude, c'est que la moitié des emplois existants verraient leur contenu profondément évoluer. Alors, qui concrètement est menacé par cette automatisation et cette numérisation ? Alors, les métiers qui sont les plus vulnérables à l'automatisation et à la numérisation sont des métiers en général peu ou pas qualifiés. C'est des métiers de vendeurs, d'ouvriers qualifiés ou non qualifiés de la manutention, des agents de gardiennage et de sécurité, agents d'entretien qui sortent en premier. Et ça appelle vraiment une attention particulière des pouvoirs publics, parce que pour s'en sortir demain, ces personnes-là devront acquérir des compétences nouvelles pour être en bonne position sur le marché du travail. On attend quand même du numérique, de l'automatisation, des créations d'emplois. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ces nouveaux emplois, ils seront plutôt qualifiés. Et donc, il y a un effort de formation à faire pour anticiper, pour que ça se passe bien. Vers où allons-nous ? L'idée d'un grand parcours linéaire, je fais 5 ans dans telle boîte, 5 ans, c'est rare. Éric Verrague. Elle est en train de mourir. Chef d'entreprise. Donc, il y aura dans la vie future des itérations permanentes. Je travaille pour moi 3 mois, je travaille dans une boîte un an, etc. Ce sera sans doute beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible. D'une façon ou d'une autre, on ne sera pas forcément dans un monde d'entrepreneurs, mais dans un monde d'intrapreneurs. Au sein de l'entreprise, ce que l'employeur recherchera, c'est quelqu'un qui va se consacrer au développement d'un produit, d'un concept, va y apporter toute sa richesse, en sera probablement propriétaire pour une part, et ensuite il partira, il ira voir ailleurs. La question, c'est quel statut on va accorder à ça. Donc ça nous obligera tôt ou tard à repenser les grands systèmes collectifs que nous connaissons en France, comme la sécurité sociale. Ces grands systèmes collectifs sont des empêchements à l'évolution, parce qu'ils rivent, ils scotchent les gens sur un lieu de travail ou sur un parcours professionnel pendant 40 années de suite. Et ça leur interdit les chemins de traverse qui sont à peu près incontournables dans la vie de demain. Bien évidemment que la retraite par répartition, elle n'a pas d'avenir sous sa forme actuelle. Ça signifie pas qu'elle doit disparaître, ça signifie qu'elle devra subir des mutations extrêmement profondes. Et que ces mutations n'ont rien de dramatique, c'est pas la fin du monde. C'est de l'adaptation à des choses de bon sens. Je ne le crois pas une seconde. Les gens veulent être bien dans leur peau. Ils veulent pas être stressés à changer sans arrêt. Gérard Filoche. Et à courir partout. Les gens qui s'épanouissent dans une qualification, dans un domaine de recherche, dans un domaine de productivité, et qui, avec ça, eh bien, ils veulent absolument pouvoir le faire sans être menacés d'être licenciés, comme à Alstom, à Florange, à Peugeot, à Sanofi. Demander aux gens des 4 entreprises que je viens de citer s'ils veulent changer. Non, ils vous diront je regrette d'avoir été changé de force et d'avoir vu baisser mon revenu. C'est pas du tout ça. Et les gens veulent en plus des carrières. Oui, carrières. Je vous insiste bien, vous savez, avec des progressions de salaire à l'ancienneté. C'est-à-dire que quand on a bien travaillé, qu'on est compétent, qu'on produit plus, etc., que le salaire augmente, qu'il y ait des grilles de salaire négociées avec des niveaux, des coefficients, des échelons qui vous permettent de progresser et de mieux vivre. Comme c'est encore le cas dans la fonction publique, en partie, bien que ce soit contesté, et comme c'est le cas dans beaucoup de grandes entreprises. Or, justement, ce qu'ils font aujourd'hui, les patrons, c'est qu'ils ne négocient plus les carrières. Au contraire, ils disent il n'y a pas de prime d'ancienneté. Au contraire, ils disent ça doit rester à la tête du client. Et ils refusent de négocier des conventions collectives dignes de ce nom qui permettent aux gens de bien vivre dans l'entreprise. Je me répète sur un point clé. Ce sont les salariés bien formés, bien traités, bien payés. C'est ceux-là qui produisent le plus. C'est pas les flexibles. Les flexibles, ils n'y peuvent rien. Ils sont obligés, ils sont contraints, ils courbent les chines, ils attendent, ils espèrent mieux, ils rêvent d'un CDI. C'est ça les flexibles, mais c'est pas eux qui produisent le plus, c'est pas eux qui font marcher l'économie. Je vous inscris donc comme demandeur d'information pour la formation VTC, pour les véhicules, pour le financement véhicules et sociétés. Je l'ai mis par défaut pour vous également, mais on va pas se priver d'un financement. Ça y est, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, ouais. Bon, en fait, là, ils m'ont pris mes coordonnées et je passe le 6 décembre l'examen. Abdel Nasser. Qui me coûte 99 euros. C'est quoi comme examen ? Il y aura un petit peu d'anglais, un peu de... Qu'est-ce qui m'a sorti ? Avoir un peu d'une culture générale. Je pense que ça va être sur les monuments, sur Paris, maîtriser un petit peu un minimum, quoi. Quand vous dites ça, c'est la Tour Eiffel. Vous savez, hein. Ouais, non, mais les musées, mais c'est vrai qu'en plus, ça nous pousse à nous cultiver justement par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est un petit plus. Parce qu'à la fin, en fait, à la fin, le passager, on est noté. Si on prend passager étranger, on parle anglais et on lui donne un peu l'histoire de Paris, je pense qu'il sera bien content, le passager, de venir avec nous. Et donc, c'est une bonne note, et ben, Hubert est satisfait de nous, je pense qu'ils nous font travailler un peu plus. Et vous allez réviser pour cet examen ? Ah ouais, il n'y a aucun examen qui se fait sans réviser, quoi. Donc, je suis obligé de réviser. L'anglais ? Pas l'anglais, I'm speaking English. Little. You speak English, little. Bah, j'ai beau ça revoici, donc tu maîtrises un petit peu l'anglais. Bon, pas super bien, mais bon, ça va, quoi. Est-ce que vous vous attendiez à ça aujourd'hui, en venant ? Je suis un petit peu déçu, dans le sens, je pensais que c'était plus approfondi, en fait. En fait, là, ils ont pris juste mes contacts pour me donner la date d'examen, avec quelques informations. Et en fait, il y a une société qui va me contacter pour le financement du véhicule aussi, pour la création d'entreprise. Bah, je pense que si j'ai pas l'examen, tout ça, ça sert à rien. On va commencer par le commencement. Donc il y a pas mal de business finalement autour de tout ça. Il y a ceux qui s'occupent de la création d'entreprise, ceux qui s'occupent du financement du véhicule. Donc c'est peut-être des intermédiaires, mais chacun, je pense, fait travailler les gens. Et au bout du compte, Uber, ça devient intéressant parce que tout le monde travaille. Vous allez acheter quoi comme véhicule ? Aujourd'hui, le rapport qualité-prix est le plus intéressant avec le maximum d'options dans le véhicule, le cuir, GPS, tout, c'est le Skoda. Avec le maximum d'options à l'intérieur, donc d'après mes sources, il faut compter à peu près dans les moins de 20 000 euros. Parce qu'en fait, quand on arrive avec la carte VTC, on a un pourcentage sur une remise en fait. Si on va chez le concessionnaire direct, ils sont en partenariat avec Uber. C'est ça l'avantage. Stratégiquement, ils sont très malins. Et nous, indirectement, on est les dindons de la farce, quoi. Mais on est dans la force, indirectement, on est content parce qu'on prend, tant qu'on prend un petit peu la part du gâteau, c'est plus important aujourd'hui. Mais si t'es pas content, vous avez vu la queue qu'il y a ? Ça se voit qu'ils ont faim. Donc ils auront leur carte, vous allez voir, ils vont faire 12, 13 heures, 14 heures par jour. Ils vont pas compter les heures. J'étais en train de faire la queue tout à l'heure, je parlais avec des gars. C'est, la plupart des gens, c'est des chauffeurs. Chauffeurs de transport. Donc, porter le colis, monter les étages. Alors que là, il va faire le même nombre d'heures avec un VTC. Il sera habillé en costume, véhicule propre. Et il aura l'impression d'avoir un statut très intéressant pour lui. Le salariat n'est pas mort, il bouge encore. La fin du salariat, décryptage d'un mythe. Avec Michel, Mustapha, Nassim, Abdel Nasser, Gérard Filoche, Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre Gattaz, Emmanuel Macron, Jacques Le Goff, Éric Vérague, Daniel Goldberg, Marie-Claire Carrergé, Grégoire Kopp, Daniel Simonet. Prise de son de Yann Fressy, Yves Le Horse, Patrice Klein, et Georges Thau. Mixage, Benjamin Vignal. Documentation, Sabine Bonamy. Coordination, Perrine Kervran, assistée de Marie-Vonne Abolivier. Une série documentaire de Martine Abbat et Rémi Douat, réalisée par Asia Khalid.